L'autre jour, par un matin de juste une vallée, à une journée, pasteur l'ai trouvé. Je l'ai regardé, seul estoué d'amour chantoué, et je dis simple et volontiers se roué, ce il vous a cru, vos amis, elle répond comme seigneur. Si me laissez-moi vestir, allez en vos contrées, j'aimerais bien sans fausseté ma mort y est donnée, plus laine que rien n'est. Il s'en est allé jumer au bois sous la ramée, venir faire voir ce dîne la mouée, car il m'aime sans tricher, y'a pour vous ne le quiérez. Pour tuite les pasteurs d'une contrée, on fait assemblée de sous une vallée, et verront la prière, pas de la pipe et du tabour, la danse des menées. Robe panagrée, quand il l'a esgardée, mais par assis, fera mien dresse tant pis. Or a saisi son fourrel, puis son chapelle, sa sacotte escourcille, sa fêle estampille, jolie, pour l'amour de sa mire. Roger Guillaume Gauthier, en homme grand envie, ni à nul qui rire, à ce fourra assis, qu'est-ce que soit la fête prire, hier sa pipe effondrée. Remember. bruelle, chantant ainsi comme je souhaite, trouvez pastor et que voile, tante seule sans orguel, on destore, et odore l'odore, l'odore, l'odore, juvere fraîche color, or chantoué couillant la flore, un son d'amour pour la dolceur, c'est le parcours, si descendis aux anobores, doucement que n'y part. Descendu, suis sans effroi, c'est taché mon pâle froid, les limaces y sont l'arbre, et le regarda vers moi, si par là, et ainsi que d'on dit, que d'on da, que d'on dit, sire, que qu'arrive ça, fuyez, je m'en irai, j'allit, on s'en va, et mes bêtes sont par-delà, et l'hiver près m'approchera, folle fut que sa voix s'envoya. Romane, l'aube qui me guérait, Si salve l'onoro creatores tue, tutto voudrue fui fei del jour jamais dolor ne pesant se navre. Bien éve de beauté la rouvre. C'est bien si guetta Dieu tant te voit. Thank you. Tout est noble et Que faire?